T'as qu'à revenir dans une heure ou deux. D'ici là, on aura quelque chose pour toi. Je m'en occupe. Ok. Et à tout à l'heure. Hey, yo, Seize. Il me faut du Pepsi, encore un peu de weed. Ok, Big. Et une fille pour chacun. On va faire une teuf maison. Pas trop tôt, putain, je reviens tout de suite. Vas-y, remets le son, voir. Placé, le milieu lui a ouvert les portes du pénitencier. Coincé entre deux grosses paires de seins classés. Les poteaux, y'a pas des masses. La rue, c'est comme au foot, quand ça va pas, t'es remplacé en place. Fais le passé, au bélier gaz, le crâne rempli de projets et de problèmes qui le tracassent. L'RG à ses trousses, plus de puces, plus de caisses, juste un billet pour qu'il se casse. Dans son secte, il s'agace, dans son duplex galère. Il voudrait avoir un palace, grandi au milieu de rapaces, furieux, bloqué comme une impasse. Prends le temps d'aller rendre visite à ses neveux, nerveux et instables, toujours sérieux dans les affaires bien juteuses. Opérationnel, connaît bien le terrain, l'économie souterraine, plus de 300 fois a vu le parrain. Popé dans son secteur. Pour lui, dépenser c'est facile, il fait ça comme un acteur. Popé dans son secteur. De son trou, peut pas sortir, impossible, a dit l'inspecteur. Popé dans son secteur. Comme les stars aiment les bons restos, les beaux costards. Popé dans son secteur. Son avocat lui a conseillé de pas quitter le territoire. Pour lui la vie c'est pas une partie de plaisir, partie de rien. Il a tout mais ne peut rien kiffer. Pris à son propre jeu, piégé. Partie de poker dans la villa mais les cartes sont faussées. Blindé, son coffre est plein, plein. Il a peur du dehors, du braquage italien. Porsche et Hummer dans le garage. Costard haute couture dans la penderie. Mais il demeure dans sa demeure le garage. Plus d'une fois il s'est mis le gun sur la tempe. Après s'être noyé dans des litres de champ. Un roi enfermé dans son royaume. Bloqué dans son secteur. La liberté vaut tous les joyaux. OP mais seulement à domicile. Il veut tout faire sauter, se balader dans le centre-ville. Dépenser comme un acteur. Dopé, pour lui c'est soit être libre ou tout stopper. Dopé dans son secteur. Pour lui dépenser c'est facile. Il fait ça comme un acteur. Dopé dans son secteur. De son trou peut pas sortir, impossible, a dit l'inspecteur. Dopé dans son secteur. Comme les stars aiment les bons restos, les beaux costards. Dopé dans son secteur. Son avocat lui a conseillé de pas quitter le territoire. Dopé dans son secteur. Pour lui dépenser c'est facile, il fait ça comme un acteur. Dopé dans son secteur. De son trou peut pas sortir, impossible, a dit l'inspecteur. Dopé dans son secteur. Comme les stars aiment les bons restos, les beaux costards. Dopé dans son secteur. Son avocat lui a conseillé de pas quitter le territoire.